Annie Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'hier, on a parlé avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, pour parler un peu de la construction de l'Aquagym. On sait que le projet va aller de l'avant, un projet de 15,3 millions. En entrevue sur les ondes de danadesport.com, le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, a mentionné que c'était vrai qu'il fallait prendre une décision rapide car toutes les subventions étaient perdues si on ne bâtissait pas ou on ne se décidait pas avant le 31 mars. Au départ de la mi-janvier, okay. Nous, on avait des discussions avec le ministère pour faire reporter cette date-là. Il avait accepté de la reporter au 31 mars. Donc, effectivement, nous, on avait jusqu'en 31 mars pour donner la réponse officielle au ministère, ce qui a été fait donc la semaine dernière. OK. Et dans un deuxième temps, ben, il nous parle évidemment que le complexe sportif du secteur de Beau va changer un petit peu de face au cours des prochaines années en raison de la construction de la piscine. Ben, écoutez, c'est sûr que quand on va regarder avec le complexe Aquagym, vous savez qu'on... Ce qui est prévu, c'est qu'on démolit le gymnase actuel. Donc, effectivement, ça va quand même, il va quand même y avoir un bon changement. L'entrée va être pas mal à la même endroit, sauf que là, ça va être modifié quand même pour être capable d'accéder autant à l'aréna qu'au complexe Aquagym. Donc, oui, ça va donner un look nouveau, ça c'est certain. Puis, éventuellement, quand l'ancienne piscine sera démolie, ben, ça va être toute l'apparence extérieure au niveau des stationnements. Ben, écoutez, c'est sûr que quand on va regarder avec le complexe Aquagym, vous savez qu'on, ce qui est prévu, c'est qu'on démolit le gymnase actuel. Donc, effectivement, ça va quand même, il va quand même y avoir un bon changement. L'entrée va être pas mal à la même endroit, sauf que là, ça va être modifié quand même pour être capable d'accéder autant à l'aréna qu'au complexe Aquagym. Donc, oui, ça va donner un look nouveau, ça c'est certain. Puis, éventuellement, quand l'ancienne piscine sera démolie, ben, ça va être toute l'apparence extérieure au niveau des stationnements. Et dans un dernier temps, ben Pascal Cloutier mentionne que c'est 1,5 million qu'il faudra trouver pour trouver le financement et compléter le financement du complexe Aquagym. Et il explique qu'il est quand même confiant d'atteindre cet objectif. La campagne de financement avec BNP, oui, on est présentement dans un comité qui est en train de mettre de déterminer quelle campagne de financement on va faire. Donc ça, on est présentement là-dedans, puis nous, on vise le 1,5 million qu'on va aller chercher avec cette campagne-là. Je vous dirais qu'on est quand même bien confiant parce que, bon, on sait que c'est une installation selon des pré-sondages qui ont été faits, que les gens veulent de ces installations-là. C'est vraiment positif. Tu sais, on parle de la piscine, mais faut pas oublier la partie gymnase avec toute la troupe, avec la gang de Madilut, là. Je pense que c'est quand même... majeur, donc oui, on est très confiant. Mais c'est beaucoup d'argent, 1,5 million dans le milieu, tu es d'accord avec moi? Là? Parlons des Saguenay de Chicoutimi, c'était le bilan hier des Saguenay de Chicoutimi et les Sags, ben, c'était quand même une année assez positive. Le directeur général Yannick Jean a mentionné quand même que la série aurait pu aller d'un autre côté si ça aurait été de trois aspects. Il a mentionné ça hier sur les ondes de CKRJ, on écoute cette entrevue. Ils réussissent à niveler. Ça se termine en quatrième prolongation. 3-1 chez nous. On a encore une chance de revenir dans cette série-là. 3-1 chez nous en deuxième période. Hop, deux pénalités en zone adverse qui font mal. Même si on se dit, bon, ben, peut-être c'était tiré par les cheveux, mais l'arbitrage fait partie du hockey. On considère que ces trois matchs-là, là, c'est trois vraiment moments clés où est-ce que la série aurait pu tourner en notre faveur. Jean mentionne qu'il faut être plus mature et plus fort physiquement au cours des prochaines années. Hier, on a confirmé que Jérémy Fortin ne serait pas de retour avec les Saguenay de Chicoutimi. En entrevue sur les ondes de danadesport.com, le joueur de Dolbeau-Mistassini et des sentiments partagés face à la décision de Yannick Jean. Oui puis non, parce que j'ai joué pour l'équipe de ma région, fait que c'est un petit rêve d'enfant qui s'est réalisé, puis c'est des belles années et des beaux souvenirs, mais en même temps, content d'avoir une nouvelle petite aventure, une nouvelle équipe. Puis, j'ai hâte de voir ça va être quoi ma prochaine destination, comme j'ai dit. Okay. Oui, je suis dessus, mais en même temps, je suis content de pour avoir la chance peut-être de jouer à 20 ans aussi. Dans un deuxième temps, ben, Jérémy Fortin mentionne que c'est quand même un très, très bon groupe de gars qu'il a connu cette année. Vraiment, ça a vraiment été une belle expérience encore une fois cette année. On avait une belle gang de gars, des jeunes plus que talentueux, Kendrick Lapierre puis Théo Rochette. C'était une saison un peu en transition. Malgré qu'on a décollé quand même assez fort, on a eu un petit creux durant le temps de novembre. Ensuite, c'est vraiment bien déroulé jusqu'à la fin de la saison où est-ce qu'on a perdu la première ronde contre Rimouski, mais ça aurait pu être une série qui... Kevin Fortin-Simard hier a joué une ronde de moins 6 qui le place au 29e rang à égalité avec 14 autres joueurs. Ça se déroule actuellement en Floride. Maintenant, on va parler du championnat des maîtres. Ça se déroule également en Saskatchewan. Et l'équipe de Jacques Taillon de Saint-Félicien, on parle évidemment de curling, a quand même bien fait. Hier, ils ont perdu 9-0. Contre la formation de l'Alberta. Par contre, ils ont remporté un gain de 13-0 contre les Territoires du Nord-Ouest et 3-2 contre le Yukon. On va tenter de les rejoindre là-bas en Saskatchewan. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini. Je me suis également entretenu avec Richard Fortin, l'instructeur de l'équipe des Rapides de Dolbeau-Missassini. On sait que les Rapides sont en grande finale de la Ligue Bantam régionale. Également, on peut écouter Michel Tifot en compagnie de Yannick Jean. Et aussi, vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevues de danadosport.com. Sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.